Allô, c'est Mélodie Spire. Oui, vous écoutez, c'est KRL. Et dans les limes, je m'abandonnerai à toi. Et c'est beau. Anna, Anna, Anna, Anna, Anna. Anesthésie. Anna, Anna, Anna, Anna. Anesthésie. Comme un serpent. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette émission spéciale. Spéciale parce que nous débutons tout juste notre radioton annuel ici à CKRL 89.1. Et il y a de l'excitation dans l'air, je le vois, il y a un public même ici. Êtes-vous en forme? Ah! Voyez, il y a un beau public aujourd'hui. Et spécial aussi parce que cette année, bien comme vous le savez, CKRL fête ses 50 ans. Ira Ménard au micro et ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'était tout naturel pour moi d'accepter l'invitation à animer cette portion du Radioton, même si c'est une première fois pour moi. Normalement, je suis du côté de Première Loge ou encore chroniqueuse culturelle. Merci, merci. Je serai donc avec vous jusqu'à 18h aujourd'hui et vous allez voir, on va avoir du plaisir avec mon invité. Vous l'aviez connu peut-être sous le nom de Mélodie Spire. Artiste de Québec, issu d'une famille de musiciens, et elle commence très tôt à plonger dans l'univers de la musique et de la scène. Et c'est en 2020, après avoir remporté plusieurs prix à Petite Vallée, en plus d'être lauréate du concours Ma Première Place des Arts, que Mélodie Spire dévoile Fabulation, hein, un premier EP aux saveurs pop grunge qui se démarque et se retrouve en nomination dans la catégorie EP Indie Rock de l'année au GAMIC. Et là, déjà, les choses bougent, changent, évoluent pour l'artiste coloré. On peut dire ça, l'artiste coloré. Oui. Et on va aller découvrir tout ça avec Yael Mello. Bonjour! Allô, Hera! Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Ça me fait tellement plaisir. J'ai acheté une tartelette. une tartelette au citron. Pour l'occasion? Oui, pour l'occasion. Puis je l'ai donnée à Denis. Mais c'était comme... Denis était comme le porte-parole du remerciement que j'avais envie de donner. À CKRL. Denis qui a eu l'idée de t'inviter, c'était son idée. Oui, c'est son Denis, idée, hein? Fait que j'ai acheté une tarte. Ah, c'est bien. Denis, l'as-tu mangé? Pas encore, on nous dit. Il y a un petit peu mal à la gorge, mais c'est une tarte au citron, fait que c'est correct. J'adore. Mélo, écoute, je suis heureuse de te retrouver. On s'est connus à une certaine époque, mais bon, tu t'en souvenais pas parce que t'étais très petite? Ouais, j'étais vraiment petite. T'étais petite et je t'ai enseigné le chant à l'époque. Oui. Mais tu t'es souvenue de la chanson que tu chantais à cette époque-là? T'avais choisi quoi? Je l'ai jouée toute la journée hier. C'est C'était vrai. Cat Stevens, Father and Son. Mm. J'avais 9 ans. C'est génial. Et là, on se retrouve. Et d'ailleurs, ça m'amène à te parler. Bon, je l'ai chanté hier à mon chat. Oh. Parce que j'étais comme son père, puis maintenant, il est comme mon fils. J'adore. Puis comment il a réagi? Il faisait les back vocals. Ouais. Clairement. Famille de musiciens. Mélo, famille de musiciens, justement. T'as commencé très jeune la musique. Est-ce que ça donne l'impression de faire ce métier-là depuis une éternité? Qu'est-ce que ça donne? C'est vrai. Comment on aborde ça différemment? J'ai beaucoup de vécu. C'est ma mère qui rit quand je dis ça. Il y a quelqu'un dans le public qui rit. On signale que c'est sa mère. Ben oui, tu sais, c'est vraiment comme... Je suis là depuis tellement longtemps. Moi, j'apprenais, tu sais, Cat Stevens à 9 ans parce que j'étais là, ben, il faut vraiment que j'aille faire les bars bientôt avec Randall Spear, le père, puis il faut qu'on fasse des gigs, tu sais. Il faut. Je viens déjà ce vocabulaire-là. Hein. Il faut aller. Il faut faire les gigs. Fait que, ouais, ça fait vraiment longtemps que je fais ce métier-là, puis c'est comme... J'ai essayé de faire plein d'autres affaires, mais tu sais, genre vendre de la crème glacée, puis travailler. Les tartelettes. Mais pour de vrai, c'est toujours la musique qui revient. Ça revient toujours. J'aime beaucoup. Puis, justement, il y a cette espèce de... Justement, parce que ça fait longtemps que t'en fais, est-ce que c'est ça qui donne envie d'essayer plein de trucs? Puis là, c'est ça qui m'amène un peu à mon autre question, c'est que là, bon, t'as sorti un premier EP en 2020 qui a eu une belle reconnaissance, deux belles reconnaissances, en fait, même. Et tout de suite après ça, ben toi, t'es retourné en exploration. Oui. Ben, puis là, tu t'avais le goût toucher à d'autres choses, peut-être en aller ailleurs. Non, mais parlons-en un petit peu de cette exploration-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'as vécu ça, cette exploration-là? Ben, je l'ai vécu comme... j'ai fait l'album, j'ai fait le EP pour voir si ça pouvait marcher, tu sais. Si je pouvais, comment je le voyais aussi, étant née dans une famille où, tu sais, la musique a toujours été très présente, je voyais un peu que c'était difficile, des fois. Puis je me suis dit, ben, je vais vraiment tout donner tout de suite. Genre, à partir de 18 ans, je faisais les gigs de chansonnier déjà, tu sais. J'en avais une comme à chaque samedi. Puis là, après ça, ça a continué. J'écrivais des chansons, puis je prenais vraiment toutes les occasions pour pouvoir les faire sur scène. J'ai passé par la batterie de concours qui existe. J'étais là, c'est quoi? Il y a un concours? Ben, je vais faire « Bonjour ». Je suis Mélodie Spear, je fais des concours, tu sais, c'était comme, j'ai tout donné sur ce côté-là, puis c'était vraiment plus dans un esprit, justement, pour voir si je pouvais réussir, fait que je voyais plus comme ça, comme, tu sais, si certaines choses fonctionnaient mieux, ben j'allais aller vers là, sans vraiment me poser la question si c'était ça que j'avais envie de faire, moi, puis si c'était le son que j'avais envie d'avoir. Puis là, ben, c'est comme si la pandémie, qui a été comme une pause, m'a vraiment permis de prendre le temps de trouver mon son, d'avoir comme le droit aussi de faire certaines choses qui sont pas nécessairement dans les carcans de ce qui fonctionne, nécessairement dans les 3 minutes de ce qui peuvent passer à la radio, mais que j'étais là, ben, moi, c'est ça que j'ai envie de faire. Fait que c'est ça, je pars un nouveau projet. Mais là, c'est ça. Alors, t'étais Melody Spear en tant que personne. Ensuite, si on fait une petite historique pour replacer les gens, puis peut-être même les gens qui ne connaissent pas encore, c'est devenu Melody Spear, même pour pourquoi toi. Pourquoi je faisais, donc? C'est devenu Melody Spear, le groupe. Oui, c'est ça. Après ça, Melody Spear est devenue une pop star québécoise avec 5 membres. Un groupe pop star. Un groupe pop star. On a fait l'Impérial de Québec. On a fait des spectacles avec Jean Leloup qui est venu de jamais avec nous. Tout ça, c'était dans le cadre de 2 semaines. Mais ça, c'était avant la pandémie. Non, ça, c'était après la pandémie. C'était comme pas longtemps. Là. L'exploration était faite ou l'exploration n'était pas encore faite à ce moment-là? L'exploration a été vraiment plus pendant la pandémie. Donc, l'exploration a amené à devenir un groupe plutôt qu'une entité, mais avec des musiciens qui l'accompagnent? Ce qui est arrivé, honnêtement, c'est que j'ai passé 2 ans, justement, même 3 ans, à juste vraiment travailler sur mes capacités puis mes skills de Ableton. J'ai acheté Ableton. J'adore. Tu sais, une fois que t'achètes Ableton, t'es pogné, tu fais de la musique, là. Fait que c'est 1 000 $. Fait que faut l'utiliser. Fait que j'étais là, bon, OK. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mon EP, qui était Fabulation. Puis là, j'ai vraiment la chance d'être entourée d'une bonne équipe. Fait qu'il y avait Ruby Varia là-dedans, qui sont mes bookers, qui ont réussi pendant la pandémie à me booker une tournée. Fait que toutes mes amies étaient là, c'est tellement... Puis là, j'étais, bon, ben moi, je pars. Bon, Gaspésie! Donc, ça allait bien de ce côté-là. Mais c'était une tournée en duo. Ouais. Donc, on a entendu un petit peu, tantôt dans l'introduction, quel genre de musique je faisais. C'était comme du lourd, quand même. Ça prenait un band. C'est rock, là, quand même. Ouais. C'est rock. Ça prend un band. Fait que là, je me suis dit, OK, ben, c'est ma chance de pouvoir, comme, retravailler sur mon EP en retravaillant les arrangements. Fait que j'ai, comme, créé un show qui était vraiment juste avec Ableton, moi, puis mon ami Jean-Michel, qui jouait la bass puis de la guitare. Fait que c'était vraiment un spectacle où j'avais comme retravaillé tous les arrangements, j'avais fait, tu sais, j'ai commencé à capoter sur les synthétiseurs, puis c'est là que mon argent est allé. Est parti. Alors là, il faut faire des shows, plus de shows oui, maintenant. Oui, plus de shows. plus de gigs. Des nouvelles tunes aussi, peut-être. Oui, des nouvelles. Fait que là, ça a été comme juste la raison pour laquelle j'ai commencé à toucher vraiment à plus le côté producteur, le côté réalisateur de la musique. C'est pour faire ce spectacle-là que j'avais plusieurs dates de bouquet en duo, mais que je voulais créer quand même un son qui allait me plaire. Pas nécessairement tout faire les chansons. Bon, ben, on veut faire ça acoustique, tu sais, puis dénaturer mes chansons. Mais j'ai tellement aimé ça, puis ça m'a juste permis juste de retomber en amour avec la musique, que j'étais comme, tu sais, une espèce de... J'étais comme blasée de la musique. J'étais comme un vieux fonctionnaire depuis 9 ans, tu sais, que je gigue. Exactement. Fait que là, à l'âge de 20 ans, je me suis comme replacée un peu. J'ai exploré avec Ableton, puis là, j'ai commencé à écrire plein de tunes. J'ai fait du rap. Eh bien, écoute, j'aurais envie d'autres trucs aussi. T'as fait d'autres trucs, puis ouais. J'aurais envie qu'on en écoute un petit bout, peut-être. Là, t'es accompagné d'une bonne partie de ton groupe, mais tu pourrais commencer par nous faire une ou deux chansons, peut-être, oui, avec ta guitare. Oui, je vais vous faire une chanson que j'ai écrite, justement, dans le cadre de cette exploration-là. C'est une chanson qui s'appelle « Douceur ». Puis, ben autant... Ce qui est intéressant avec moi, en fait, c'est que j'ai vraiment aimé tout de suite le côté songwriting de la musique, puis je l'ai vraiment approché d'un point de vue très folk, donc tu sais, accords, paroles, mais là en fait, en travaillant avec Ableton, j'ai commencé à travailler plus sur les textures, ouais, les sonorités, puis avoir plus de nuances dans mes pièces. Là, ça va être une chanson acoustique. Ableton n'est pas là. Ableton n'est pas là. Et puis, on va tous savoir pourquoi. Ableton n'est pas là, mais on va comprendre après pourquoi j'ai un band. OK. J'adore. Alors, tu peux aller t'installer. D'accord, je vais aller partir. Alors, en prestation acoustique, en direct du Radioton de CKRL, devant public ici, pour les chanceux et les chanceuses qui sont là. Merci d'être là, tout le monde. Merci d'être là, tout le monde. Allô? C'est tellement le fun de faire ça. Moi, j'étais bénévole au Radioton il y a une couple d'années. J'ai vraiment aimé ça. Tu sais, je faisais tout. Là. J'ai même, tu sais, mettons, il y avait Jacques Boisvert qui était là, puis il vendait des photos. Puis j'ai acheté la photo de mon ami. Pour CKRL. Tu sais, j'étais capable de prendre des photos de mon ami, mais je voulais donner. Fait que n'hésitez pas à donner, c'est une bonne cause. Est un petit peu, hein? D'accord. Moi, quand quelqu'un avec l'oreille absolue me dit « Ouais, correct. » OK. Avec douceur. Tu pleures devant les films tristes, devant les films heureux, mais plus devant moi. Ailleurs, toujours un peu ailleurs, je t'ai cherché, mais même là, je vois, t'es encore flou. Tu te formes et te déformes au gré des miroirs. Est-ce qu'un jour tu aimeras enfin m'y voir? Douceur, on mérite la douceur, on mérite la douceur. Cherches-tu encore l'impossible et te blâmes-tu de ne pas trouver l'invisible? Douceur, on mérite la douceur, on mérite la douceur. Mm-hmm. Mm-hmm. Cherches-tu encore l'impossible et te blâmes-tu de ne pas trouver l'invisible? Pour toi, il y a un abandon derrière chaque silence. Cherche à comprendre, tu offres des poèmes aux passants dans les rues. Peut-être qu'en échange te rendront-ils ce qui t'a perdu, la douceur. Tu mérites la douceur. Je sens comme tu as peur, mais je suis là. La meilleure, je voulais être la meilleure. J'en ai oublié la douceur avec toi. Je reprendrai où on s'est laissé il y a longtemps. Je te dirai comme tu es belle, comme tu es précieuse. Je penserai toutes tes blessures, je serai patient. Et sois-en sûr la prochaine fois. J'aurai t'entendre. Merci beaucoup. Melody Spear en performance. Vous écoutez le Radioton de CKRL. Ce Radioton vous est présenté grâce aux partenaires gouvernementaux suivants. Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications. Jonathan Julien, ministre responsable de la Capitale Nationale. Sozanetti, député de Jean Lesage à l'Assemblée Nationale. Étienne Grandmont, député de Taschereau à l'Assemblée Nationale. Julie Vignola, députée fédérale Beauport-Limoilou. Et Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé et député fédéral de Québec. Écoute-moi, écoute-moi. Ici Paul André. Et Lou-Adrienne Cassidy. Ça nous fait plaisir d'être porte-parole du Radioton cette année pour le 50e anniversaire de cette extraordinaire, unique, essentielle, fantastique radio qu'est CKRL. Vous aimez la danse traditionnelle ou voulez vivre une expérience nouvelle? Le réseau des veillées de danse au Québec propose des soirées avec caleurs et musiciens dans différentes localités de la grande région de Québec. Découvrez ou redécouvrez les sept carrés, quadrilles, contredanse, cotillons et valses en passant un moment intense entre amis ou en famille. Êtes-vous game d'essayer du nouveau? Accessible tout au long de l'année, ces soirées de danse folklorique se tiennent dans toutes les régions du Québec. Rendez-vous au veillées-danse.québec. Un projet du Conseil québécois du patrimoine vivant, réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. Du 15 au 18 juin, rendez-vous à Tadoussac pour la 39e édition du Festival de la chanson, présenté par Québécois. De Ariane Roy à Vulgaire Machin, en passant par les Sœurs Boulay ou Gab Bouchard, tu trouveras ton bonheur dans la programmation. Laisse la magie de Tadoussac s'emparer de toi et viens profiter du seul festival où tu peux écouter des baleines la journée et des concerts le soir. Billets et passeports sur chansontadoussac.com. On se voit où? On se voit à Tadou. Participez aux événements VIP du Radioton de CKRL. Des expériences radiophoniques uniques où vous êtes conviés à être le témoin privilégié de prestations d'artistes, dégustations et émissions en direct. Le projet Melody Spears, Tailleul, Requiem pour Momento avec Pierre Harel, Vilain Pingouin, nos émissions gourmandes et plusieurs autres. Réservez maintenant sur ckrl.qc.ca. Faites vite, les places sont limitées. Le Radioton vous est présenté par les partenaires majeurs suivants. La Boîte à pain, la Corrigan, le Bal du Lézard, Audiolight, les cinémas Le Clap et l'hôtel Château-Laurier. Caroline Stephenson, pour vous proposer les lots d'encan, vous inviter à aller voir le site de CKRL. C'est très facile à trouver. Vous faites encan CKRL et vous trouverez les 100 lots disponibles cette année. Il y en a certainement un pour vous. Vous allez avoir certainement un ou deux ou trois coups de cœur. On y va dans l'ordre. Allons-y dès le début avec le lot numéro 1. C'est de la musique de chambre à Sainte-Pétronée. Vous savez, on en a parlé d'ailleurs avec Gilles Chaumel, notre spécialiste à l'émission du matin. Alors, c'est un très beau cadeau, une très belle programmation qu'on vous offre là-bas. Ça vaut 370 $. Il y a une mise des 195. Je sais que vous allez me dire, vous êtes stratégique, vous attendez un peu à la fin, voir comment tout ça va s'articuler. Mais en tout cas, c'est je porte votre attention à ce lot-là si vous aimez la musique de chambre. C'est à l'île d'Orléans, c'est très beau. Le numéro 2, c'est Poils et Plumes qui nous offre un certificat cadeau d'une valeur de 100 $. Alors, pour votre chat, votre perruche, votre chien, pour donner en cadeau, il y a tout ce qu'il faut là-bas, de la bouffe à la litière en passant par les jouets. Alors, une belle petite attention. À Amassan, vous avez envie d'un petit massage? Amassan, qui est un de nos lots vedettes, un classique ici à CKRL, un massage d'une valeur de 160 $. La mise est à 80 $. Et puis, il y a le lot numéro 4 offert par Réseau Mon Quartier. Ça, c'est un lot intéressant si vous avez envie là, de placer, faire des placements publicitaires sur monlimoilou.com, monsaintroch.com, monsaintsauveur.com et puis moncalme.com. Ça vaut 590 $. Soyez le premier à faire votre mise. On poursuit comme ça avec les lots. Le lot numéro 5, c'est la boutique Le Pédalier, qu'on connaît bien à CKRL. Radioton 2023 de CKRL. Rendez-vous sur macause.com/CKRL. Salut, c'est Hubert Lenoir. Je vous invite à donner au Radioton de CKRL. C'est vraiment important, CKRL. C'est une radio que j'écoute souvent. Et il faut que ça continue. Les jours se suivent et se ressemblent. Les vêtements sont une sève sur toi. T'as pas le droit de recommencer. À chacun son livre, aux éditions Michel Lafon. Hurlement, d'Alexis Lipsker. J'ai enlevé 5 femmes. Je les fais souffrir, lentement, avec une savante cruauté. Ce n'est que le début. C'est par cette glaçante menace que le célèbre commissaire Venturi se voit défié par un criminel machiavélique qui n'a négligé aucun détail pour concevoir sa machination morbide. Éternel insatisfait et plus pressé que jamais, Venturi se lance alors dans une course contre la montre où l'erreur n'est pas permise. Hurlement est un polar noir à l'intrigue machiavélique et diablement efficace. Les éditions Michel Lafon vous offrent des témoignages, des biographies, des thrillers, des best-sellers, des beaux livres et de la littérature jeunesse. Un large éventail de lectures pour tous, pour tous les goûts, pour toutes les passions. Bon, j'étais en train de vous dire que le lot numéro 5 offert par la boutique Le Pédalier, c'est un lot aussi très populaire. Ça vaut 300 $. La saison commence, là. On en voit plein sur la 3e avenue des vélos. Il y aura le vélo partage, mais peu importe que ce soit pour un casque de vélo, des souliers, un vélo. Alors, la boutique Le Pédalier, c'est peut-être pour vous lot numéro 5. Vous avez envie de prendre soin de votre corps un petit après un hiver difficile, je sais pas. En tout cas, il y a le studio Elissa qui vous offre un soin du visage pour une valeur de 100 $. Il y a une mise actuelle qui est à 70 $, mais pour faire grimper ça, bien entendu, parce que je vous rappelle que tout ça, c'est au profit de CKRL. Et puis, si vous êtes gourmand ou, tu sais, juste des fois se gâter, si vous aimez cette institution dans Limoilou, le casse-croûte Pierrot, qui vous offre deux lots, soit le lot numéro 7 ou 8. Alors, vous avez le choix des mises, là, peut-être. Vous verrez, en tout cas, quand je vous parle de stratégie, c'est quand même des certificats cadeaux d'une valeur de 80 $. Est-ce qu'on peut se payer une bonne poutine pour ce prix-là? Et toutes sortes de belles gâteries. Le lot numéro 9, je vous en parle parce que c'est un lot important pour moi. Demain, j'ai une entrevue avec Martin Picard. C'est offert par Télé-Québec et Martin Picard. Donc, vous me voyez, un chef à la cabane. Un lot qui vaut 600 $ et c'est offert là avec c'est des assiettes, des coupes et tout ça. Voilà, je vous reviens avec ce lot-là, mais c'est un très, très beau lot. Allez faire un tour, le lot numéro 9. Vous êtes invité au lancement de la collection Méduse comprenant 65 œuvres en art actuel d'artistes de la grande région de Québec. Peinture, sculpture, estampes, vidéo, cinéma, installations multimédia, dessins, photographies, textiles et bien plus. Les galeries de vue, l'œil de poisson, la bande vidéo et Engram seront elles aussi en vernissage. Le circuit Beaumont présentera des œuvres vidéo de la collection toute la soirée. Le vendredi 19 mai 17h au 591 rue de Saint-Vallier-Est. Des visites guidées dès 17h30. Complètement gratuit. Partenaire majeur du Radioton de CKRL, Audiolite est le spécialiste incontesté de la haute fidélité à Québec depuis 50 ans déjà. Des conseillers compétents et passionnés sauront faire de votre visite une expérience d'achat hors du commun. Service après-vente exemplaire et prix compétitif. Audiolite.qc.ca. La Caisse d'économie solidaire Desjardins vous présente cette journée du Radioton. Vous êtes membre de la Caisse d'économie solidaire? Demandez l'une des 5 bourses de 2 000 $ chacune pour un premier emploi dans une coop ou un organisme à but non lucratif. À condition d'avoir 18 ans et plus au 31 mai 2023, d'obtenir l'appui à votre candidature d'une entreprise membre de notre Caisse solidaire et ne pas avoir reçu en 2022 de bourse de la Fondation Desjardins ou de la Caisse solidaire. Faites votre demande sur le site web à caissesolidaire.coop. Vous écoutez le Radioton de CKRL. Anna, Anna, Anna, Anna, Anna. Allô, c'est Mélodie Spire. Oui, vous écoutez CKRL. Tiendra. Et dans les limes, je m'abandonnerai à toi. Et c'est beau. Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, anesthésie. Anna, Anna, Anna, Anna, anesthésie. Comme un serpent. Retour à cette émission spéciale du Radioton. On est rendu, je vous dis, le chiffre auquel on est rendu, tout le monde, on est rendu à 6 485 $ d'amassés jusqu'à maintenant. Il est présentement 17h30. Alors, on vous rappelle que vous pouvez appeler en tout temps au 640-2575. Vous pouvez faire un don. On vous invite aussi à renouveler votre carte de membre ou encore, vous pouvez miser à l'encan sur notre site Internet. Vous avez jusqu'à dimanche 20h. Mais là, attendez pas dimanche 20h, là. Faites-le tout de suite. Faites-le tout de suite. Faites-le demain. Mais vous avez, bon, jusqu'à dimanche. Mmh. Et là, tout de suite, on s'en va avec une performance. Alors, Mélo s'est transformée. Elle était tout seul avec sa guitare et là... Il était tout seul. Il est rendu avec tout son band. Ils sont 4. Je vais expliquer l'histoire. Bon, il y a une histoire autour de ça. Ce qui est arrivé, là, c'est que j'ai fait, pendant 3 ans, j'ai gossé sur des patentes dans mon sol, un peu comme Marc DeMarco. Ah ouais, qui fait même. Ça. Mm-hmm. Puis, contrairement à Mac DeMarco, par contre, toutes les patentes que j'avais brisaient constamment. Mes pédales ont brisé à cause de la résistance pétée dans ce qui permettait d'alimenter les pédales. Je ris, mais c'est pas tant drôle, quand ça arrive. Mon stockage interne a brisé deux fois. Puis ça a fait en sorte que deux semaines avant un show à l'Impérial, j'avais plus aucun matériel devait me servir pour ce spectacle-là. Ah, je me suis retrouvée avec un band. On était tous dans un sous-sol à Sainte-Foy, puis on a trouvé des arrangements avec Louis Solem. Il y avait Dan Min qui était là, Léopold et Julien qui est en ce moment à Montréal dans un autre show. Mais là, on est devenu un collectif band. Et puis là, en ce moment, c'est Renaud Belzile au drum. Fait que maintenant, je fais affaire avec des humains. C'est bien. Je vais vous parler d'une chanson qui s'appelle La Tour et qui parle un peu du quartier de Saint-Sauveur. OK. Vous allez nous faire ça? C'est parti. On va appeler l'endroit où j'habite La Tour. C'est un endroit un peu spécial de Saint-Sauveur. C'est dans le bout où tu te poses des questions sur ta sécurité, mais aussi que tu rencontres des pigeons alcooliques, mais ils sont fonctionnels. Alors, j'étais dans La Tour avec une merveilleuse personne qui est dans la salle en ce moment. Ah, tellement cute. Elle s'appelle Geneviève Dufour. Elle a écrit un livre. Allez l'écouter. Elle faisait pousser des serpents derrière mes yeux pendant que j'attrapais les trèfles sur ses jambes. À l'extérieur, c'était un peu différent. Saint-Sauveur est comme toujours un peu en crise. Surtout dans mon bout. Comme je vous dis, les pigeons sont alcooliques mais fonctionnels. Les enfants sont des brouillards, ils vendent des bicycles sur Marketplace. Puis il y a un container qui est là depuis 2003, on sait pas pourquoi. On s'est dit, vraiment, là... Et tu sais que toi et moi, tu sais qu'on ne doit jamais quitter La Tour. Redescendre le ciel. On ne doit jamais quitter La Tour. Redescendre du ciel. Dropper la machine à smoke. On ne va jamais quitter La Tour. Quelques fois qu'on entend crier dehors, on se pose des questions. Je vois mes voisins. Je me dis, pauvre communauté. Elle essaie de se stationner. Mais c'est difficile quand tous les voisins crient et grondent. Parquez-vous, imbécile! Parquez-vous! Mes voisins, et je trouve que Joyeux Noël, ça rime avec tabarnak. Je les aime quand même. Voilà. Fait qu'on s'est dit, faut comme pas retourner dehors, faut pas retourner dehors. Pas besoin de bouffe, pas besoin de rien. Tout ce qu'on a besoin, c'est que... Et tu sais que toi et moi, tu sais qu'on ne doit jamais quitter La Tour. Redescendre du ciel. On veut jamais quitter La Tour, redescendre du ciel, dropper la machine à smoke. On veut jamais quitter La Tour, redescendre du ciel, dropper la machine à smoke. Tout ce qu'on a, c'est de la musique. Tout ce qu'on veut, c'est de la musique. Et le reste, on s'en calisse. Thank you. descendre du ciel, tromper la machine à smoke. Jamais quitter la tour, tout ce qu'on veut c'est de la musique, et le reste on s'en coalise. Tout ce qu'on veut c'est la musique, tout ce qu'on veut c'est la musique, et le reste on s'en... Tout ce qu'on veut c'est la musique, tout ce qu'on veut c'est la musique. Ouais, on vient d'entendre La Tour de Mello, Léopold et Louis Salem et Renaud. Vous pouvez venir nous rejoindre ici, me rejoindre ici. Alors, tout ce qu'on veut, c'est la musique. C'est ça, hein? C'est ça qu'on en retient de cette chanson-là, je trouve. C'est très beau. Puis, justement, bon, ta musique, Mello, elle a subi une certaine transformation, on pourrait dire. Puis, oui. J'adore. Oui. Est-ce que vous aimez ça, tout le monde, ici, hein? C'est super bon, j'aime vraiment beaucoup, bravo. Parce que là, c'est comme une surprise, là, c'est toutes des nouvelles chansons que tu c'est fais ça. Aujourd'hui. Parce que j'ai un nouveau band. J'ai un nouveau groupe de musique. Tout ce qu'on veut, c'est de la musique, le reste, on sent. On leur dira pas, là. Mais... Quelqu'un dans le public dit non. Oui, fait que, tu sais, je vais faire intervenir maintenant Louis Salem. Bonjour. Bonjour, Louis. Salut. Merci d'être là. Ça m'a plaisir. Louis Salem, toi, t'as fait, tu fais... Pauvre erreur, j'ai donné aucune note. Maintenant, je fais intervenir Louis Salem. Tu m'as dit que Louis Salem avait un peu agi en tant que directeur un peu artistique, ou en tout cas, t'as guidé. T'as été d'une certaine guidance. Le mot, c'était... Berger. Je suis un berger. Ah, berger. J'avais pas ce mot-là sur ma feuille, mais j'adore. J'ai suivi ça fait le toi, berger. Un j'étais le mouton. Je sais pas trop. Mais non, t'es mon agneau. J'étais le agneau. Okay. Un agneau, ça va. Ben oui, il m'a embarqué dans sa communauté, puis justement, c'est là que les voisins étaient sortis pour crier très fort après, avec violence. Pour toute l'histoire, c'est qu'on partait dans une résidence de création pour travailler. Mes tounes, puis ses tounes, puis je me suis parqué dans la cour d'un voisin qui a crié du cri le plus fort que j'ai entendu de ma vie. Oh là là. Pour me dire de sacrer mon camp. Hey boy, hein? Et j'ai eu peur. J'ai donné une belle chanson, par exemple. Ouais, faut s'inspirer de ces moments-là. Ben c'est ça, tu sais, je pense que le projet, en fait, puis le band, c'est comme de s'inspirer des moments plus comme anodins, puis... Ben, tout à fait, puis ça fonctionne. Puis, bon, ça, c'est une certaine c'est une certaine transformation dans un sens qui est arrivée dans ta vie. Puis, il y en a une autre aussi qui est arrivée. Oui. Puis, parlons-en, parce que, bon, tu vois, tantôt, je me suis trompée, mais ça va arriver encore un petit peu, ça mais on souvent. Essaie que pas. Ouais. Alors, maintenant, bon, on t'a connu Melody Spear. Oui. Et là, tu désires qu'on t'appelle Mello. Oui, Mello. Puis, j'utilise les pronoms IL et IL pour les accords CO masculin. C'est une transition tranquille que je fais depuis un an et demi, tu sais, tranquillement. On essaie les pronoms, tout ça. Mais je me suis jamais aussi bien sentie que depuis que je suis trans, puis que les gens utilisent les bons pronoms. Puis faire le show en ce moment, sous ma vraie identité quelque part, tu sais, ça fait tellement du bien. Ah, c'est le fun. Est-ce que tu dirais que ben, j'imagine que ça t'habitait depuis longtemps. Oui, mais je pense qu'il y a 10 ans, en fait, le discours était moins à propos de l'identité de genre, puis c'était plus un discours qui portait sur l'orientation sexuelle. Moi, j'ai dit à ma mère à l'âge de comme 8 ans, « Maman, je suis lesbienne. » Tu sais, on était dans la petite swing chair, là, tu sais, on avait sur Beauport, là, puis là, on avait des pissenlits dans les mains. J'ai peut-être rêvé, ça. Sa mère a pas l'air de s'en souvenir tant que ça, là. Elle est non, parce que ma mère m'avait dit... Ouais. Non, j'avais 8 ans, puis tu m'as dit... C'est... Ben oui, parce que j'avais embrassé Marie-Pierre dans la classe, puis là, non. Puis, tu sais, c'est ça. Donc puis, ça, tu savais déjà depuis longtemps. Ben, ce que je veux dire, en fait, c'est que... Non, dans le sens où la binarité de quand on est jeune, c'est comme il faut choisir son camp vraiment rapidement. Mm-hmm. Puis, tu sais, t'as un petit jeune, t'as une petite blonde, mais tu sais, moi, au final, j'aime vraiment comme les gens. Puis après ça, il a fallu que je fasse un autre coming out parce que j'avais un chum. Là, ça mélange tout le monde. Ouais. Puis là, il a fallu que je fasse un autre coming out encore parce que je suis vraiment non-binaire. Puis c'est comme ça me fait tellement du bien de pouvoir le dire avec toi. Puis de pouvoir, comme à chaque fois qu'on utilise les bons pronoms avec moi, ça me fait juste chaud au cœur parce que ça fait tellement longtemps que c'est pas le cas. Ouais. Ça me fait juste du bien. Je me sens vue. Puis compris. Ben, tant mieux si on peut éclaircir ça tranquillement aujourd'hui au Radioton de CKRL. Nice. Mélo. Et là, maintenant, on t'appelle Mélo. Mélo, ouais. Meilo. Tu l'écris ben, je l'écris en plus avec M-E-I-L-O. Pourquoi? Pour envoyer un message aux gens que c'est pas Mélodie. C'est pas un diminutif de Mélodie. C'est vraiment mon nom. Je me sens bien comme ça. Puis moi, on peut le dire Mélo, mais on peut le dire Milo. On peut laisser libre cours à notre créativité un peu là. Puis est-ce qu'on peut l'accent? Ajouter the Milo. The Milo. On a bien fait de te donner un micro. En fait, c'est comme ton nom de famille, Milo. Allez, toi, tu es en train de m'écrire un nouveau nom Facebook. Milo. Ah, mais je l'aime tellement, Louis Solem. Puis en tout cas, c'est ça, le bal en ce moment, c'est tout du monde que j'aime vraiment beaucoup. Comment vous êtes rencontrés avec Louis Solem? C'est une, rencontre qui remonte à. Parce que t'étais dans. Parce qu'il y avait des beaux Melody cheveux. Spear, le band aussi. Non. Je n'étais pas. Ben, oui, en fait, le band, j'ai fait l'impérial, c'est ça. Fait l'impérial. J'ai fait l'impérial. On se rappelle, c'est après la pandémie. Yes! Parce que l'histoire, c'est que justement, moi, je le savais que j'étais non-binaire, j'étais bien là-dedans, mais là, j'étais comme pognée avec un projet musical que tous les gens, quand ils me rencontrent, ils disaient « Mélodie », tu sais, c'était comme fou, c'est hein, sûr pour que tout c'est le mêlant. Monde. Oui, c'est ça. Donc, j'ai décidé de changer ce nom-là. Mais en fait, c'est que le projet, au début, je voulais pas non plus... tu sais, moi, j'ai grindé depuis plusieurs années. Je suis sur le grind pour Melody Spear, pour que je passe à la radio, pour que je puisse vivre de tout ça, pour que, tu sais, que les gens connaissent ce nom-là. Puis là, j'étais là, hey, sérieusement, c'est rough d'abandonner ça. Ouais, je comprends. Parce que c'est pas juste mon identité de tous les jours, c'est ma job aussi. Tu le vois comme un projet, c'est ça. Comme... Puis là, je l'ai commencé à le voir comme une pop star québécoise qui est constituée de 6 personnes très cool qui sont à l'impérial. C'est la phase 2 un peu. Et j'avais une perruque rousse, puis je me suis dit qu'il y avait Melody Spears, puis j'étais en dans le char avec Louis Solem, puis j'étais là, ça va être ma drague. Je vais faire de la drague, puis je vais me draguer en Melody Spears. Ouais, c'est ça. Donc le concept du show de l'Impérial, c'est que Melo se représentait dans une autre facette de lui-même, mais tout en est. En fait, réincarnait Melody Spears. Ouais. Ouais. J'ai essayé ça. C'est cool. Je pense que ça fallait le faire. Ça fait son temps. Ouais, c'est ça. Ben, je l'ai fait une couple de fois, puis à un moment donné, la perruque a comme... Je l'ai enlevée. Puis ça a fait vraiment du bien, parce que c'est chaud aussi, une perruque. J'ai souvent chaud, fait que... Fait que là, plus de perruque. On t'appelle Milo. Et là, tu joues avec plusieurs musiciens et musiciennes qui n'étaient pas nécessairement toutes là aujourd'hui. Non, c'est comme une espèce de collectif. J'ai envie de dire le nom. Ben, moi, j'ai vraiment envie que tu le dises parce que je trouve tellement que c'est un beau nom. On peut-tu? Elle dit-tu en même temps? Pour le Radio Temps. En première internationale. Ouais. On y va. 1, 2, 3. Lavande. C'est beau, hein? On a des applaudissements ici, en studio. Ouais. D'où ça vient, lavande? On peut peut-être l'explorer un petit peu. Mais j'étais dans la douche. Ça part bien. C'est ton savon qui était... J'étais avec Geneviève. On a des Allô, scoops ici. Maman. Ouais, je vais la compter sur les ondes nationales. Puis c'est vraiment intéressant quand même. C'est une bonne histoire, tout le monde. J'espère que vous donnez là, à la maison. Vous êtes en train d'appeler, vous êtes en train de faire des dons. Parce que, là, parce que moi, je me donne. Ouais. Mais on là, a des détails croustillants. Bon, d'où ça vient ce nom, l'avant? On avait un meeting, tu sais, j'étais là, faut vraiment que je trouve un nom pour le band, là, ça va pas bien, tu sais. j'étais stressée, là, puis là, on se parlait, tu sais, puis là, alors un savon à la lavande, justement. Ah oui, hein, je l'avais. Puis, tu sais, savon, là, je me lavais, nan. Puis là, il vient pour me donner un petit bec sur le cou, tu sais, ah, ça va aller, tu sais, t'en fais pas. Puis je fais, attention! lavande. Parce que je voulais pas qu'elle goûte la lavande, c'est deg, un peu manger du savon. Mais, wow. Mais après ça, elle a dit hey, danger lavande. Puis j'étais genre danger lavande. C'est un excellent nom, ça va être le nom de l'album, puis le band va s'appeler Lavande. Réglé, bon meeting, on s'est serré la main, on est parti, chacun notre bord. Ok, j'adore. Mais là, ce band-là, c'est pas Melo qui est accompagné de musiciens, c'est vraiment, c'est un collectif, tout le monde ouais. agit. Puis mais comment ça que, fonctionne, là? Mettons, pour... le berger et moi. Louis Solem, on le rappelle. Le berger Louis Solem et moi, je suis l'agneau, tu sais, je suis un peu l'agneau qui remplit les demandes de sub. Je suis l'agneau qui... Ah ouais, c'est toi qui fais ça? Ouais, qui, wow. qui pense un peu. Je suis l'agneau qui va. Et puis, tu sais... Mais non, en fait, c'est... Mais moi, je trouve que ce qui est vraiment intéressant à travailler avec, c'est que c'est une force créative vraiment unique et qu'il y a vraiment des bonnes idées, je trouve, qui nous sortent. De ce qu'on est habitué de jouer. Puis c'est ça qui est vraiment attrayant, je trouve, de ce projet-là. C'est comme, c'est tout. Puis c'est ça. Donc les chansons viennent de Mélo et nous, on les arrange. Ouais. C'est Louis Solem a comme un passé qui lui permet vraiment de pouvoir communiquer la musique d'une autre façon. Il a fait justement le conservatoire de musique classique en violoncelle. Fait que tu sais ça amène vraiment mes idées. Il est capable de comme les rendre plus grandes. Puis avec Léopold Ouassangu qui est là aussi. Tu sais je veux dire il étudie en jazz aussi. Puis Julien on écrit souvent des chansons ensemble. On était en colocation puis avec lui, c'est comme écrire des tunes. On a comme le côté songwriter, ouais. On se rencontre. Puis Renaud, il est vraiment beau. OK, fait que c'est pour attirer les gens. Là. Juste fait que les gens vont venir au show. Voilà. J'adore. Je pense puis que il est vraiment Renaud, un excellent. A un potentiel drummer. Pour le nouveau berger. Oui. Parce que Renaud est nouveau, là. Faut le dire. C'est pour ça oui, que, c'est ça. Bon. C'est ouais. sa première prestation avec nous. On s'est vus deux fois. C'est vrai, hein? Puis là, je voyais même tantôt encore en train de préparer des petits derniers préparatifs. C'est les premières fois que vous voulez jouer les chansons devant des gens? Ben, il y avait l'impérial. Ben, tout de suite après la pause, je vous laisse aller vous installer parce que là, on va en entendre plein. Bonjour à toutes et à tous. Ici Jean-Yves Duclos, député de Québec. Merci pour ce beau moment de partage sur les ondes de la plus ancienne radio communautaire francophone au monde. Une radio qui met en valeur notre communauté à travers des idées créatives. De l'animation culturelle et de l'information critique et pertinente éclairant de nombreux regards sur l'actualité et la société. Une radio qui se veut indépendante, multiculturelle, diversifiée et inclusive de toutes et de tous et de tous les groupes communautaires. Une radio composée d'une équipe talentueuse, engagée et déterminée. Une radio dont on est fier. Merci et bon Radioton. Notre Radioton arrive à grands pas. Des invités de marque, des prestations et des émissions spéciales en direct de nos studios vous seront proposées tout au long de cette fin de semaine festive. Et c'est aussi le bon moment pour renouveler votre carte de membre, de miser sur nos nombreux lots ou bien de faire un don. Le Radioton vous sera présenté grâce à nos partenaires de premier plan suivants. La Caisse d'économie solidaire des Jardins, la Fabrique culturelle et Télé-Québec et la Caisse de Limoilou et Première Ovation. Le Radioton, soyez-y! Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du jazz fusion et du funk en programme double. Alain Caron, géant québécois de la basse entouré de 8 musiciens, présente un projet musical inédit où le groove est à l'honneur. Mark Lettery, guitariste virtuose, défend son plus récent album nommé pour un Grammy. Le 5 mai, Alain Caron et Mark Lettery Group en exclusivité au Palais Montcalm. Détails au palaismontcalm.ca. Les projets inachevés ne se régleront pas seuls. Il y en a trois qui m'obsèdent particulièrement. Trois courts-métrages qui sont restés figés à l'étape du montage. Quand je tente de les regarder en face, je vois un mur gigantesque. Pour moi, chaque tournage est une thérapie. L'important, c'est de la faire, de la montrer, puis d'apprendre de quoi de ça. On est tellement dans le résultat, puis dans la finalité des choses. Le cinéma, c'est d'abord humain. C'est ça l'œuvre d'art, dans le fond. Le documentaire David contre Goliath de David Béricard en salle dès le 5 mai. Oh, On poursuit nos lots d'encan. Je m'appelle Caroline Stephenson et puis je vais vous guider vers les lots d'encan. Je vous rappelle que vous êtes au Radioton de CKRL, 50e anniversaire. On commence là à peine, on est là jusqu'à dimanche soir pour vous inviter. Alors c'est sûr qu'on a une centaine de lots, enfin on en a 100 précisément, il y en a pour tous les goûts. Alors je vous disais tout à l'heure que Télé-Québec nous offre deux lots. Un lot, c'est Martin Picard, un chef à la cabane, qui propose de la vaisselle, une belle assiette de service avec à l'intérieur un graphisme, une œuvre de Marc Séguin. Télé-Québec nous offre également, alors là, pour les nostalgiques de Ciné-Cadeau, on vous offre un très beau prix d'une valeur de 85 $ à l'effigie de Ciné-Cadeau, une doudou et puis tout ça, puis ça va... Pardonnez-moi. Ça va vous faire rêver à Noël le prochain. Et puis, le lot numéro 11, les éditions Pau-Pau. Bon, ben, je pense que je vais m'arrêter là. Bam. Yo, mic check, 1, 2, 1, 2. Hey yo, what up, ici Webster, direct en live de Limoilou. Comme à chaque année, c'est le Radioton de CKRL. Donc s'il vous plaît, soyez généreux, faites vos dons, devenez membre. Alain Bossville, big shout out aux artisans, non? À chacun son livre, aux éditions Michel Lafon. La petite pharmacie littéraire d'Elena Molini. Blue, jeune femme trentenaire à la recherche de l'amour et amoureuse des livres, décide d'ouvrir sa librairie. Son institution, qui lui permettra de se distinguer de ses concurrents, va devenir sa signature. Elle vendra des livres comme on vend des médicaments. Bienvenue dans la petite pharmacie littéraire, une librairie pas comme les autres, où les livres ont leur indication thérapeutique et leur posologie. Un roman délicieusement italien, un hommage à tous les libraires passionnés. Les éditions Michel Lafon vous offrent des témoignages, des biographies, des thrillers, des best-sellers, des beaux livres et de la littérature jeunesse. Un large éventail de lectures pour tous, pour tous les goûts, pour toutes les passions. À vos marques, soyez prêts, misez! C'est le moment de miser sur les 100 lots du Radioton 2023 de CKRL. Rendez-vous sur macause.com/CKRL. Livres, BD, hébergement, œuvres d'art, certificats cadeaux, resto-bar, loisirs et plus encore. Découvrez tous les lots et misez dès maintenant sur macause.com/CKRL. Vous avez jusqu'au 30 avril à 20h. Bonne chance! Ben voilà, ça va mieux. J'ai pris une bonne gorgée d'eau, là. Tout est rentré dans l'ordre. Je peux vous parler du lot numéro 13. J'étais dans les lots. Il y a plusieurs lots de BD, là, pour les amateurs. Il y en a pour enfants, il y en a pour adultes aussi. Alors ça, c'est le lot numéro 13 de 5 livres bande dessinée pour adultes. Je vous nomme rapidement, là. Je prends feu trop souvent. C'est chou comme titre par Charlotte Gosselin. Rouge Avril, Quen Dur. Quelqu'un a débarqué à la grosse pomme et bang, bang, bang. Voilà. Ça, c'est le lot numéro 13. Je pense que ça peut en intéresser plus un. Et je sais que vous êtes des amateurs pour la plupart de BD. Là, il y a le lot 14 aussi, des comics à l'américaine. Le lot numéro 15, c'est des BD et des livres illustrés, des parcours de vie. Il y a les univers variés du lot numéro 16, d'autres BD. Quand je vous dis qu'il y en a pour tous les goûts, allez feuilleter, allez voir dans le détail chacun des lots. Et puis, si vous avez plutôt envie d'un roman, les éditions Michel Lafon vous proposent propose un lot avec 5 livres tout aussi intéressants les uns que les autres. Là, ça vaut 150 $. Alors, soyez le premier à miser sur ces livres. Bon, alors là, on change un peu de la littérature. Le lot numéro 18, c'est offert par la Société de guitare de Québec. Alors, très beau spectacle, ça vaut 130 $. Il y a une petite mise de 65, mais bien sûr, il faut que ça grimpe. Et c'est des concerts, un concert présenté le 20 mai à la salle Raoul Jobin du Palais Montcalm, en exclusivité à Québec, un grand guitariste brésilien. Pour la saison prochaine, les concerts pop de l'Orchestre symphonique de Québec se donnent des airs de studio californien, des cabarets new-yorkais. Ils seront tapissés de paillettes. Ils auront du beat. Lisa Leblanc sera Chaque Disco. Webster et ses 8 artistes invités célèbrent 40 ans de hip-hop québécois. Transportez-vous au cœur des comédies musicales de Broadway. Célébrez le 7e art avec Hollywood 7. Hydro-Québec, partenaire de saison de l'Orchestre symphonique de Québec. Du 10 au 13 mai, la troupe de théâtre Les Grands Enfants vous présente Hortense a dit « Je m'en fous », suivi de « Tailleur pour dames », de « Vaudeville » de Georges Feydeau, dans une mise en scène de Sylvain Perron. Les représentations ont lieu à la Polyvalente de l'Ancienne Lorette, du mercredi au samedi, 20h, et le samedi après-midi à 15h. Les billets sont au tarif de 22 $ ou 18 $ pour étudiants et disponibles sur lesgrandsenfants.com. Partenaire majeur du Radioton de CKRL, le Bal du Lézard s'est imposé au fil des ans comme un lieu de rencontre culturelle et sociale au cœur du quartier Limoilou. À la fois café, resto, bar, salle de spectacle et d'exposition, le Bal est l'endroit idéal pour rencontrer des gens sympathiques dans une ambiance chaleureuse. Découvrez toute notre programmation à venir sur lebaldulézard.com. La Caisse d'économie solidaire Desjardins vous présente cette journée du Radioton. Vous êtes membre de la Caisse d'économie solidaire? Demandez l'une des 5 bourses de 2000 $ chacune pour un premier emploi dans une coop ou un organisme à but non lucratif. À condition d'avoir 18 ans et plus au 31 mai 2023, d'obtenir l'appui à votre candidature d'une entreprise membre de notre Caisse solidaire et ne pas avoir reçu en 2022 de bourse de la Fondation Desjardins ou de la Caisse solidaire. Faites votre demande sur le site web à caissesolidaire.coop. On est de retour à cette émission du Radioton. On espère que vous donnez en très grand nombre à la maison. Et puis ici, en tout cas, les artistes se donnent. Et là, ils vont se donner encore plus. Ils vont nous faire plusieurs chansons. Ce sont toutes de nouvelles chansons en primeur ici pour le Radioton de CKRL. Alors, je laisse la place à Renaud, Louis Selem, Léopold et Meilo qui vont nous interpréter la pièce Thérèse. Terrasse tes doigts sans plier comme des fleurs en plastique. Le café froid sur la table, la bouilloire électrique. Et s'enfuir, pourrais-je s'enfuir, plier et courir? Ah, Thérèse, toi et moi, comme Thelma et Louise, nos cheveux blancs dans le vin de la décapotable. On se renie dans nos chambres, dans les couloirs ou à l'étage. Et s'enfuir, pourrais-je s'enfuir, oublier et courir? Thérèse, toi et moi, Thérèse, toi et moi, comme Thelma et Louise, comme Thelma et Louise. À l'amour, chocolat. Je veux te mordre le cou, je veux te prendre dans mes bras. Et s'enfuir, on pourrait juste s'enfuir, oublier et courir. Ouais, courir, on pourrait juste courir, oublier et s'enfuir. Terrasse, toi et moi. You know. et messieurs, et mes non-binaires. Je voulais tout simplement dire aussi que je fais partie aussi d'une grande équipe. On ouvre une agence pour représenter en gérance des personnes queer et des projets queer. Et c'est quelque chose que je fais avec Joanie Moreau. On s'appelle 7 octobre. Vous allez en entendre parler. D'entendre Mélancolie 2000. Écoutez, ce sont toutes des chansons qu'on entend en primeur du groupe collectif Lavande. On l'a appris aujourd'hui, là, ce nom-là. Oui, c'est le collectif Lavande. Faut même pas encore le dire trop tant que ça. On le dit-tu? Quand je l'ai dit, j'ai l'impression que je parle de Voldemort. Est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent pour Lavande ou pas encore? Ou ça aussi, c'est secret? C'est tellement surprenant et mystérieux, tout ça. Hein? Ah, on va vous suivre. On va te suivre, Mélo. Si on te suit, on va avoir des nouvelles de ça. Hein? On va avoir des nouvelles de vous. Merci d'être venu à toi, Mélo, puis merci aussi à tes acolytes. Merci beaucoup, tout le monde. Oui, merci à notre public VIP ici en studio. C'est toujours plus plaisant jouer devant les gens en live en plus. On sait que vous êtes là, là à la maison, ou dans votre voiture, ou bon, mais quand on voit des visages, c'est toujours très le fun. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Restez sur nos ondes parce qu'après, il y a une autre émission dans le cadre du Radioton de CKRL. CKRL. Ben, hein, donnez généreusement. Bon, le public est tellement craqué, là, je vous le dis. En effet, donnez généreusement. CKRL est tellement une radio importante à Québec. J'en sais quelque chose moi-même étant artiste. CKRL m'a beaucoup encouragée et soutenue par le passé. Et je suis très contente maintenant aussi d'aider CKRL à donner une tribune aux artistes de la relève. Merci. Comme Mélo. Merci CKRL. Yes. Merci beaucoup. Et là, vous avez plein de chansons en primeur en plus. Alors là, Mélo, vous allez nous en faire une dernière. Ouais. Une belle dernière qui s'appelle Fantôme. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été avec nous. Et Roménard, ça m'a fait un très grand plaisir. Je vous redis leur nom parce qu'ils sont hyper talentueux. Renaud Belzile à la batterie, Louis Solem Perrault à la basse, Léopold Ouazungu à la guitare et Mélo à la voix et à la guitare. Maestro. Les lampes clignotent, le bain est cool, je me déverse dans. Ma langue roule une cigarette, range le bord de tes fenêtres. Tu m'entends-tu? Oh, chez toi. Je sais que tu me vois de ta fenêtre. Oh. Le bain déborde, le bain déborde. Et le bain déborde, le bain déborde. Tu m'entends-tu? Au-dessus, tu m'entends-tu? We'll be right back. Allez en paix, mes deux. Le Radio-Temps, c'est maintenant.